On est où là? 336 340. Alors j'arrête ça là. Bon. Là maintenant, il télécharge après. Il a pas fini maintenant. Oh lolo. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a déjà téléchargé une fois. C'est énorme ce truc. C'est gros comme fichier. Ouais. Mon Dieu. Thank you.

Bye. Shake it, let's move it on down now. Shake it, yeah. again.